Me voilà enfin. Me voilà enfin en vie. Ce fut une lutte pour ne pas lâcher ta main. Il y avait un large rayon de ma vie, brillant mais vivifiant. Le cœur humain chante. We'll be right back.